Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal. Bienvenue au grand titre. Le président de l'Assemblée nationale demande aux concernés par l'élaboration du projet de loi des finances de fournir le maximum d'efforts pour qu'il soit analysé dans les meilleurs délais. Gélas Daniel Ndavira avait procédé ce mardi à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire d'avril. Un policier qui a tué sa femme écope d'une peine de servitude pénale à perpétuité pour homicide volontaire. La sentence a été prononcée par le tribunal de grande instance de Muyinga siégeant en matière de flagrance ce lundi 31 mars. Anissé Nyonzima devrait être exposé dans un lieu public de la commune Muyinga si l'affaire est coulée en force de choses jugées. Et des habitants qui restent à certains endroits de la colline Sororezo en commune Kanyosha n'ont d'autre choix que de quitter les lieux en raison de la menace d'écroulement de leur maison. Pour un expert, l'apparition des fissures sur leur colline est un signe que l'endroit est inhabitable. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles, bien sûr. L'Assemblée nationale compte analyser et adopter le projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2023-2024, comme annoncé par le président de l'Assemblée nationale. C'était lors de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire ce 1er avril. Gélas Ndavirabe encourage les parties prenantes à l'élaboration du projet de loi des finances à fournir le maximum d'efforts pour qu'il soit analysé dans les meilleurs délais. L'Assemblée nationale compte poursuivre ses missions de vote des lois de contrôle de l'action gouvernementale et de représentation du peuple. Sur le plan législatif, l'Assemblée nationale compte analyser et adopter les projets de loi inscrits à l'ordre du jour, à savoir le projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2023-2024. Il y a aussi le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/12 du 28 juin 2017 régissant les sociétés coopératives au Burundi. Il y a lieu de préciser que, conformément à l'article 181 de la Constitution, la session parlementaire ordinaire d'avril constitue une session budgétaire. Elle offre ainsi l'opportunité au Parlement d'examiner le budget général de l'État et de l'orienter vers la réalisation des programmes qui répondent aux besoins de la population. L'Assemblée nationale encourage toutes les parties prenantes à l'élaboration du projet de loi de finances à fournir le maximum d'efforts pour qu'il soit analysé en séance plénière dans les meilleurs délais. Le tribunal de grande instance de Muyinga a condamné ce lundi un policier à une peine de servitude pénale à perpétuité, accusé d'avoir assassiné sa femme et mutilé le cadavre. C'était le 20 mars vers 5h du matin. Quand l'affaire sera coulée en force de choses jugées, le condamné sera exposé dans un lieu public de la commune Muyinga. Anissé Nyonzima a plaidé coupable au cours de l'audience publique. Le couple de trois enfants qui habitait la sous-colline Muyaga sur la colline Kinyota en commune et province Muyinga était en perpétuelle querelle. Et la goutte qui a fait déborder le vase serait, selon l'entourage, l'intention de cet homme en uniforme de prendre une deuxième épouse sans le consentement de la première. Les détails avec Fiacre Ndikoumana. Au cours d'un procès de flagrance de ce 31 mars au tribunal de grande instance de Muyinga, le procureur de la République a accusé à un certain policier d'avoir planifié et tué son épouse et mutilé par la suite le cadavre. Le concerné a plaidé coupable devant le tribunal et avoué d'avoir tué sa femme, mutilé le corps et l'a jeté à Lusengo, commune et province Muyinga. Après audition, le tribunal a condamné ce policier à une peine de servitude pénale à perpétuité et payé un dédommagement d'une somme de 50 millions de francs burundais à la famille de la défunte, donc sa belle famille. Au cours de l'audience publique, le policier a indiqué que le coupable de trois enfants vivait à mésentente. La nuit du 20 mars, vers 5h du matin, le policier a tué son épouse après avoir coupé sa tête, c'est au quartier Kinyota sous colline Moyaga en commune et province Moyinga. L'administration indique que ce genre de meurtre n'est pas fréquent dans cette localité et appelle les conjoints à dialoguer en vue d'éviter des querelles pouvant déboucher vers homicide. Depuis la province de Moyinga, Fiacre Ndikumana pour la radio Isanganiro. Des habitants de la colline Sororezo en commune Kanyosha s'inquiètent des fissures qui détruisent leurs maisons et d'autres infrastructures publiques, ce qui entraîne des déplacements forcés des familles. Ces habitants demandent d'être relocalisés pour leur sécurité. Un expert en prévention des risques et gestion des catastrophes hydrométéorologiques indique que de telles fissures sont des signes qu'un endroit est inhabitable. Docteur Athanase Nguzimana, enseignant-chercheur, conseille à ses habitants de quitter les lieux. Omer Ndouayou. Agacimbiri kababaye gusumba kandi ni bisekuru nari yange nasororeze harimo igice cyafashwe dusaba yuko bo turonderera nk'ahantu hateze tutoguma muri ibi bihoma kamwe. Ce sont les habitants de la colline Sororezo, une colline qui présente de grosses fissures entraînant des démolitions de leurs maisons. Ceux-ci disent ignorer ce phénomène. Nous avons vu nos maisons s'écrouler par une force d'origine terrestre. Les maisons s'effondrent même pendant la saison sèche. Nous avons opté dans enlever les tôles. Comme vous le constatez, même cette maison que nous occupons aujourd'hui est en voie de destruction. Lors de la construction, la maison était vraiment en dur. Depuis que nous avons déménagé vers ici, des fissures ont apparu. Nous n'avions pas de choix que de l'occuper dans cet état. Nous estimions que ces fissures n'évolueront pas. Lorsque la pluie tombe, la situation s'aggrave et toute la localité s'effondre petit à petit. C'est vrai, nous avons peur, mais nous n'avons pas de refuge. Ces fissures ont déjà occasionné des morts, affirme Béatrice Barakana, l'administratif à la base. Ces fissures sont apparues petit à petit et les maisons sont détruites. Un jour, la maison est tombée sur une maman enceinte et ses deux enfants dans la cellule Bisekuro et tous sont décédés sur place. Ces fissures sont devenues nombreuses sur cette colline et ont fait que cette route ne passe plus. Nous ne savons pas les causes. Cette colline était composée de pierres, mais aujourd'hui, c'est pierres n'y sont plus. Athanase Nguzimana, expert en prévention des risques et gestion des catastrophes hydrométéologiques, explique plutôt que l'apparition des fissures dans un endroit quelconque est un signe que ce lieu est inhabitable. Ce système de fissuration qui est généralisé dans cette zone, surtout au niveau de Mogoboka et ailleurs, ce sont évidemment les failles que vous voyez maintenant. Au fait, si on interroge la recherche, on se rend compte que cette zone a été formée suite à un phénomène de la tectonique de plaques. Et dans ce cas, il y a eu un phénomène tectonique qui a fait qu'il y ait le fossé qui, après, a été rempli par l'eau qui, maintenant, est appelé le lac Tanganyika. Mais de l'autre côté, alors, c'est fameux Migwa avec la crête Congo-Nil. Alors, cette formation a fait qu'il y ait une visitation de l'ensemble de cette localité. Et avec les cartes géologiques, on peut constater qu'il y a les failles qui sont certaines et les failles qui ne sont pas certaines. Et donc, pour le moment, avec l'activité anthropique, ces aménagements inappropriés, l'érosion hydrique intense finit par laisser apparaître les endroits où il y a les fissures ou les failles. Ça, c'est un signe éloquent, c'est un signe vraiment à tenir en considération qu'il s'agit d'une zone à terrorisme qui, visiblement, ne mériterait pas d'être occupée. Cet expert conseille la population à éviter de construire dans de tels endroits pour leur protection. Omer Ndouayou. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le Burundi a un score de 17 points sur 100 et occupe ainsi le 165e rang sur 180 pays en matière de corruption dans le secteur public. Dans son récent rapport sur l'indice de perception de la corruption en 2024, Transparency International le montre que le Burundi a reculé de 3 rangs par rapport à l'année 2023. Sur les 8 pays de la communauté est-africaine, le Burundi occupe la 6e place devant la Somalie et le Soudan du Sud. Et au niveau mondial, le Danemark a un score le plus élevé de cet indice, avec aucune corruption sur l'échelle de 100. Mireille Kanyangé a lu ce rapport. Ce rapport sur l'indice de perception de la corruption dans 180 pays est sorti en février de cette année et attribue un score sur 100. Pour l'année 2024, la corruption a joué un rôle dévastateur dans la crise climatique. Selon les auteurs du dit rapport sur les 180 pays, le Danemark vient en tête avec un score de 90 sur 100 et pour la septième fois comme un pays où il n'y a aucune corruption. Ce rapport montre que le Burundi a un score de 17 sur 100 et occupe le 165e rang alors qu'il avait 20 points à la 162e place en 2023. Considérant les 8 pays de la communauté est-africaine, le score de la perception de la corruption au Rwanda est de 57 sur 100 et ce pays occupe le 43e rang sur les 180 pays. En seconde position vient la Tanzanie avec un score de 41 sur 100, occupant la 82e place, suit le Kenya avec un score de 32% et la 121e place, puis l'Ouganda avec un score de 26%, occupant la 140e place. Après l'Ouganda vient la République démocratique du Congo avec un score de 20 sur 100, occupant le 163e rang. Après le Burundi vient la Somalie avec 9 sur 100, occupant l'avant-dernière place alors que le Sud-Soudan a un score de 8 sur 100, fermant la liste des 180 pays. La moyenne mondiale de la corruption reste 33 selon son rapport qui précise qu'il est important de prendre des mesures importantes pour lutter contre les niveaux de corruption dans le monde qualifiés de graves. L'indice de perception de la corruption dans le secteur public au niveau mondial a été créé en 1995 à l'aide des données provenant de 13 sources externes dont la Banque mondiale et le Forum économique mondial. Mireille Kanyang. Le gouvernement burundais a récemment fixé par ordonnance ministérielle le barème des prix des produits alimentaires. Par exemple, le riz blanc local et le riz blanc importé sont respectivement vendus à des prix variant entre 4 000 et 5 000, ainsi que 5 000 et 7 000 francs burundais par kilogramme. Le haricot jaune se vend à un prix variant entre 4 500 et 6 000 francs, alors que le haricot sec graine mélangé coûte une somme variant entre 2 500 et 3 500 francs burundais. Cette fixation des prix des produits alimentaires fait suite à la recommandation du président de la République au ministère du Commerce de réguler les prix des produits de première nécessité. Alexis Naïsenga. Comme le montre cette ordonnance ministérielle, le barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager au Burundi a été fixé. Cette ordonnance précise en effet que la farine de maïs industriel moulue s'achète au minimum à 3 000 francs burundais le kilogramme et à 4 000 francs burundais alors que le kilogramme de la farine de maïs s'achète à 1 900 francs burundais et à 2 000 francs au maximum. La même ordonnance stipule que le riz blanc local s'achète à un prix variant entre 4 000 francs et 5 000 le kilogramme au moment où le riz blanc importé s'achète à un prix variant de 5 000 francs burundais à 7 000 francs par kilogramme. En outre, le prix du haricot sec du type jaune est fixé à 4 500 francs burundais le kilogramme au minimum et à 6 000 francs burundais tandis que celui du haricot de graines mélangé a été fixé à 2 500 francs burundais et à 3 500 francs le kilogramme au maximum. Le prix des oignons rouges et blancs est fixé à 1 000 francs burundais le kilogramme et à 2 000 francs burundais au maximum. D'autre part, le prix de la banane douce est fixé à 1 000 francs burundais le kilogramme au minimum et à 2 000 francs au maximum, et alors que celui de la patate douce locale a été fixé à 700 francs burundais le kilogramme et à 1 300 francs burundais au maximum. Cette ordonnance fixe également le prix du kilogramme de la viande sans os à 22 000 francs et à 28 000 francs burundais au maximum, alors que celui de la viande avec os est à 20 000 francs au minimum et à 25 000 francs au maximum. Ce barème des prix des produits alimentaires est fixé après que le président de la République du Burundi et instruit le ministre du Commerce de procéder à la régulation des prix des produits de première nécessité. Et certains commerçants apprécient cette fixation du cette fixation par le gouvernement du Burundi des prix des denrées alimentaires de première nécessité car cela va diminuer la spéculation, mais il doute du respect de cette nouvelle structure des prix étant donné que la carence du carburant influe beaucoup sur le transport de ces marchandises à partir de l'intérieur du pays. Il demande donc au gouvernement d'importer du carburant en quantité suffisante. Suivez-les. En tant que commerçants, nous admettons cette mesure de fixation des prix, car nous prenons par exemple les haricots appelés communément quinoés à l'intérieur s'achètent à 3200, mais pour le transport jusqu'à Bujumbura, un kilo s'augmente de 500 francs bouts suite au carburant qui est cher. Un chauffeur peut le chercher toute une semaine et travailler une seule fois dans un mois. Donc, s'il y a du carburant, même les prix diminuent. Nous demandons que le gouvernement use de tout son effort pour rendre disponible le carburant afin de faciliter le transport. Tout le monde salue cette mesure avantageuse pour nous les citoyens et pour le pays en général. Sinon, nous travaillons à perte, faute du transport cher. Nous demandons que cette mesure soit mise en application. Les prix sont encore élevés. La mesure en soi est bonne. Nous demandons au gouvernement de descendre sur terrain pour constater si ces prix ont été respectés, sinon pour prendre des mesures qui s'imposent. C'est sur ce micro-baladeur de la rédaction que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes de la rédaction et de la technique qui m'ont aidé à le réaliser. À bientôt. Jean Bosco, Douimane.